Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Et ce sera l'occasion unique de rencontrer le Capitaine Picard! Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Le Capitaine Picard? Il a bien dit le Capitaine Picard, hein, Picard? Ouais. Tu as entendu, Picard? Il a bien parlé du Capitaine Picard, celui dont se porte fièrement le nom. J'ai rêvé ou il a dit qu'il serait en ville? Ouais. Il faut que je sache. Nom de Zeus, s'il est en ville, c'est l'occasion jamais de le rencontrer, lui serrer la pince, lui faire signer toute ma collection vidéo de Star Trek TNG. Sans compter les tasses, les t-shirts, les stylos à son effigie. Oh oh! Ne pas oublier d'apporter ma maquette de l'Enterprise, mon comme badge, mon phaser et ma figurine du Capitaine Picard à l'état neuf, jamais déballée, jamais sortie de sa boîte. Oh! Rencontrer le Capitaine Picard personnellement en personne! Mon rêve! Mais comment? Comment savoir si j'ai bien entendu? Quand sera-t-il en ville? Aujourd'hui? Demain? Ce week-end? Et... où en ville? Au cégep? Dans un hôtel? À la mairie? Mais je songe. Il n'y a pas de convention Star Trek prévue prochainement? Ni de convention DSF? Une Comic-Con? Il semble que non. Ah! J'enrage! Qui saurait? T'as pas une idée, toi? Oh! J'ai trouvé! Pépère! Il écoute toujours la radio le matin. Qu'est-ce que tu veux, mon run? Tu vois bien que tu me prends des culottes à terre? Littéralement, hein? Toilette? Non, je tricotais avec ma mère. Pis c'est pas tes affaires. Pis c'est tout ce que t'as à me dire. Ben, j'y retourne avant qu'elle parle le fil, Boswell de Boswell. Pouf, papa. Je vais devoir m'excuser de l'avoir dérangé. Ce que j'ai vu n'avait pas que le cacaba. Mon très cher monsieur! Ah! Témoin! Vous avez entendu? Pardon? Le Christ est revenu? Non, plus merveilleux encore! C'est le Capitaine Picard qui revient parmi nous! Le Capitaine Picard! Vous vous rendez compte? Non, pas très bien, je le crains. Qui est ce Capitaine Picard? Quoi? Vous ne connaissez pas le Capitaine Picard? Non, malheureusement. Est-ce un collègue du Capitaine Cousteau? Cousteau? Ben, pas du tout. Picard, allons, le Capitaine Jean-Luc Picard. Vous n'allez quand même pas me dire que vous n'en avez jamais entendu parler. Pourquoi? Il est célèbre? Célèbre? Diantre, c'est le plus célèbre qui soit. Jean-Luc Picard, capitaine de l'Enterprise. Il a découvert de nouveaux mondes, de nouvelles civilisations. Il est allé résolument où nul n'était jamais allé. Un fichtre. Comme vous dites. Et vous n'en avez jamais entendu parler? Non, jamais. Ah, je le regrette d'ailleurs. Regrette quoi? Donc, j'imagine que vous n'avez pas entendu à la radio l'annonce de sa venue? Oh, malheureusement non, mon cher monsieur. Quand doit-il venir? Aucune idée. J'ai malheureusement raté cette partie de l'annonce. C'est pourquoi je vous posais la question d'ailleurs. Je suis vraiment désolée de ne pouvoir vous aider. Mais j'y songe. Vous n'allez quand même pas me dire que la réponse est dans votre revue. Ma revue? Vous voulez dire notre... Rattendez-vous? Ouais. Ne soyez pas ridicule. Pourquoi l'annonce de la venue de ce capitaine serait-elle dans notre revue? Non. J'allais dire simplement qu'il vous suffirait de vous informer auprès de votre ami l'annonceur. Il est sûrement au courant. Hey! Excellente idée! D'autant plus que c'est lui qui l'annonçait. Ben oui, j'ai reconnu sa voix. Merci, témoin. Je l'appelle de ce pas. Allez, au revoir. Occupé, remords, remords. Je resterai plus tard, Rudon. Thank you. C'était Reaching de Christian Martin, interprété par le Newport Orchestra. Et maintenant, une page de pub. Babo Bidet, la compagnie qui se consacre exclusivement et avec constance à la production productive et permanente de beaux pains et beaux bidets bien blancs, annonce avec témérité sa grande vente annuelle de surplus d'inventaire. Pour un jour seulement, ce dimanche, coin Beaubien et Bastien, Bretelles des Bastions, les propriétaires Bernard, Bérard, Bédard et Schmitt vous accueilleront, pleins de bonne volonté et du désir de faire des affaires d'or, entre 10h et 14h, dans leur entrepôt rénové pour l'occasion. À ne pas manquer donc, ce dimanche, venez rencontrer Bernard, Bérard, Bédard et Schmitt de Babo Bidet, coin Beaubien et Bastien, Bretelles des Bastions, pour votre prochain bain. Ou bien pour un bien beau bidet blanc. Bien beau bidet. Là où il fait toujours bon se laver. On aurait pu se forcer un peu, notre annonceur de malheur. Et nous reparler du capitaine Picard plutôt que de beau, bien beau bidet. Ah, madame Coudon, êtes-vous au courant? Mon doux, monsieur Courtemèche, quelle entrée en matière. Pas même un petit bonjour. Alors, soit, une fois n'est pas coutume. De quoi devrais-je donc être au courant? De la visite du capitaine Picard. Pas le grand capitaine Picard. Si, si, le grand capitaine Picard lui-même en personne. Non, non, non. Si, si, si. Ah, le grand capitaine Picard. Je me souviens encore quand il a conquis l'Everest. L'Everest? Quand il a vaincu les pygmées d'Amazonie. Hein? Quand il fut capturé par les papous du Grand Nord dans leur pirogue d'écorce de bambou. Ah, quel homme! Quel grand aventurier! Quel héros! Un héros, certes, madame Coudon, mais je ne me souviens pas de l'avoir vu grimper l'Everest. C'était Kirk, l'amateur d'escalade, pas Picard. Quant aux pygmées et aux papous... Mais si! Les pygmées et les papous, je m'en souviens très bien! Il doit nous visiter, dites-vous? Oh mon doux, quel courage! C'est qu'il doit être très âgé maintenant! Bah, pas tant que ça. Et pourtant, quand avez-vous dit qu'il devait venir? Je ne l'ai pas dit. En fait, je n'en sais rien. Je n'ai entendu qu'une partie de l'annonce à la radio. Et votre cher ami l'annonceur ne peut-il vous informer? Je n'ai pas encore réussi à le joindre. Quand vous saurez, ne manquez pas de m'en informer, monsieur Courtemèche. Je serai très intéressé à rencontrer le grand capitaine Picard. Bien sûr, madame Coulon. Sur ce... Vous partez? Certes. Sans me dire ce que vous amenez chez moi. Oh mon doux, je suis confuse. J'oubliais. Une cause primordiale, monsieur Courtemèche, une cause primordiale. J'organise une grande levée de fonds pour les babouins de Sibérie. Des babouins en Sibérie? Si, si, en Sibérie. Le professeur Champanzer, un Allemand, m'a contacté pour m'informer que ces pauvres petites bêtes gelaient littéralement dans leur Sibérie natale. Aussi, les fonds que nous amassons serviront à acheter des manteaux chauds, des bottes, des tuques et des mitaines pour ces pauvres petits babouins frigorifiés. Vous donnerez bien quelque chose, monsieur Courtemèche, pour ces pauvres babouins. Vous croyez qu'ils se vexeraient de porter l'usager? J'ai ici une belle crémone de Fentex Rose Nanane que je vous abandonnerai volontiers. Et ça vous irait? Du seconde main, monsieur Courtemèche? Mais vous n'y pensez pas! De quoi aurions-nous l'air? J'ajoute toutefois votre suggestion à ma liste. Des foulards bien chauds pour nos babouins. Bien, très bien. Sur ce... Bonne journée, madame Coudon. Salut, ma jeune. Monsieur. Salut, mon jeune. Je m'excuse de la porte au nez tout à l'heure, mais c'est pas une bonne idée de me déranger le matin, là, quand ma mère pis moi, on joue dans le coin, tu veux dire? Pis, qu'est-ce que tu voulais? T'as encore du trouble avec ton journal? Non, pas plus que l'habitude. Et ta machine à écrire moderne qui est encore brisée? Non. T'as encore du trouble avec madame Coudon? Non plus. Fait que c'est qu'elle voulait? L'argent pour acheter des manteaux d'hiver à des babouins. Hein? Ah, c'est une longue histoire. Non, je t'ai allé vous voir pour savoir si vous aviez entendu l'annonce de la venue du capitaine Picard à la radio. Qui ça? Capitaine Picard. Je connais pas. Et j'imagine que vous n'avez pas entendu l'annonce de sa visite non plus. Hein. C'est à quand cette annonce-là? Ben, juste avant que je frappe à votre porte. Hein. Warren, c'est bien que je suis ben trop occupé à cette heure-là pour écouter le radio. Ouais, bon. Maintenant, je le sais, là, mais je ne savais pas à ce moment-là. Ta fac, t'es correct. On n'est pas pires amis. Non, c'est correct, papa. Ah, dis-nous. Bon, ouais, c'est pas tout ça. Il y a ma mère qui m'attend avec la carotte qui va me passer pour son bouillie. Ah, tes carottes, papa? Eh bien oui, Morin. Tu sais bien. Attendez-moi là. Je vous rapporte ça tout de suite. C'est un vrai bonheur. À qui irait-il emprunter des trucs si nous étions en chicane pour de bon? Tenez, papa. Ah, merci bien, Morin. En voyure, là. Au revoir, papa. I guess I needed to be in love, and you're the one I fell in love with, and just then I needed to care, I needed to share, and you were there. Crossing my life, and I was beginning to care for you, and I was needing to share with you, and I was needing to love you, just loving you. C'était I Guess de Christian Martin, interprété par Kael. Hey, hello, mon vieil! Tu m'as donné une call? Hello, Mac. Je me demandais si tu avais entendu l'annonce de la visite du Capitaine Picard à la radio. Captain Picard? Tu veux-tu dire la pirate qui a fini son vie dans l'Acadie? Mais non, pas lui. Celui-là, il y a longtemps que les eaux lui font plus mal, là. Non, je parlais de Jean-Luc Picard, capitaine de l'Enterprise. Oh, that Picard! Oui, ça, Picard. Y es-tu supposé de venir ici? Ah, c'est ce qu'on a annoncé à la radio. When? Quand? Ben, plutôt ce matin. Hein. Non, je veux dire, quand est-ce que c'est qu'il est supposé de venir ici? Oh, en fait, c'est là qu'est le problème. Je ne sais pas quand. Je n'ai attrapé qu'une partie de l'annonce, fait que j'espérais que tu pourrais me renseigner. Hein. Well, j'écoute pas souvent la radio dans la France. Hein. Ben, j'aurais essayé. Sorry, man. Oh, c'est pas de ta faute. Si seulement j'arrivais à joindre cet annonceur de malheur. Comment? On parle de moi? Désolé, je voudrais entrer. Oh, sorry. Alors, que veux-tu lui dire à l'annonceur de malheur? Désolé, mon vieux, ça m'a échappé. C'est juste que j'essaie de te rejoindre depuis un bon moment. T'es jamais là. Alors, un peu frustré, le bonhomme. Oui, bon, ça va, c'est pardonné. Que veux-tu? Je suis busy. Alors, que veux-tu me demander? C'est tout simple. Quand arrive le capitaine Picard? Qui? Ben, le capitaine Jean-Luc Picard, commandant du vaisseau Enterprise, vedette de Star Trek TNG. Doit-il venir? Ben, disons, j'espère bien. En tout cas, c'est ce que t'annonçais ce matin à la radio. Qui, moi? Mais vers quelle heure? Ben, je sais pas trop, là. 7h10, 7h20, peut-être. Mon pauvre vieux, tu es un tantinet en retard. Cette annonce datait de 1994. On l'a rediffusée dans le cadre de la capsule du passé. Oh ben... Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vos interprètes, Carole Bassani dans le rôle de Madame Coudon, Gabriel Jean dans les rôles de Mac, de Pépère et de l'annonceur, et Christian Martin dans les rôles de Paul Courtemèche et du témoin. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives et est une production 2012 des éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.